Jingle bells. Alors comme ça, la reine mère ne veut pas faire l'effort d'écrire la petite lettre qui te permettra d'avoir un visa pour les States. C'est pas ça. Je pense plutôt qu'elle a peur que j'en revienne pas. À mon avis, elle se méfie de toi. Et peut-être bien qu'elle a raison. Mais en même temps, elle est bien contente que j'y aille à New York. C'est aussi un peu son rêve. C'est pas un peu ambigu pour toi, tout ça? Un peu. Tu sais quoi? Tu vas m'organiser un rendez-vous avec elle. Il est temps que je fasse sa connaissance. Tu peux t'organiser pour fin janvier? Je ne vais pas pouvoir me libérer avant et ce sera encore bien assez tôt pour le visa. D'ailleurs, j'ai préparé un brouillon, au cas où. Dak, je lui en cause demain. Mais pas de brouillon, please. Le pater sera mortellement vexé si tu lui mâches le travail. C'est lui qui sait tout, pas toi. Ne l'oublie jamais. Et sinon, pour Dubrovnik, tu n'as pas de regrets à avoir. Hélène veut à tout prix m'accompagner. Elle devient complètement parano. Tu vois, c'était foutu de toute façon. Parano? Mets-toi à sa place. Tant pis, on ira une autre fois. Bien sûr. Ah, autre chose. J'ai commandé mon carnet de chèques au nom de François Maréchal. Et aussi, j'ai repéré une piole dans Nice matin pour 3 fois rien. Si ça marche, ce sera à 6 000. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec la proprio. Parfait, ça bouge, dis donc. De mon côté, j'ai trouvé un job d'un mois comme jeune fille au pair dans les environs de Londres. Je pars le 15 décembre, retour le 15 janvier. Ah ouais? Mais c'est formidable! On trouve des mandats d'un seul mois? J'étais sûre qu'il fallait s'engager pour 6 au moins. Ben non, tu vois. Dans cette famille, la mère est enseignante. Elle cherche quelqu'un pour garder ses gosses pendant les vacances de Noël. Ça lui permet de magasiner, voir ses copines tranquillement ou sortir avec son mari. Vu qu'elle a placé ses fils dans l'école où elle bosse, le reste de l'année, elle les voit tout le temps. Bref, tout ce petit monde vit à Southend-on-Sea, à 2 heures de Londres. Le mari gère une cabane à hot dog sur un terrain de sport, si j'ai bien compris. Les garçons ont 6 et 8 ans. Southend-on-Sea, c'est au bord de la mer, ça. Comme son nom l'indique, tu vas bien t'amuser. J'y vais pas pour m'ennuyer, j'espère que les niards seront sympas. Ouais, sinon tu les accroches au porte-manteau par la ceinture ou le col du t-shirt. Avec un scotch blindé sur la bouche, ça devrait aller. Pervers. Fin novembre, Faustine reçoit un courrier en provenance de Dubrovnik. Maxime y raconte son séjour. Hélène ne l'a pas accompagné finalement, c'est donc tout seul qu'il a visité les remparts de la vieille ville, regardé défiler les filles d'un côté, les garçons de l'autre, sur le boulevard où les amoureux se cherchent. Il dit que les filles d'ici sont très jolies, qu'elles ne craignent pas de se promener en costume national. Les spécialités du coin sont bonnes aussi, et le travail pas trop contraignant. Dommage, oui, vraiment que Faustine n'ait pas pu venir. Route de Cannes, les 15 premiers jours de décembre sont plutôt calmes. On emballe les commandes, on boucle l'atelier, on nettoie, on vide les cendriers. Une petite fête de Noël est même organisée avant de se séparer. Papa et maman ont bien fait les choses. Un joli buffet froid, sucré et salé, et du champagne à volonté. On échange des petits cadeaux. Faustine reçoit une somme rondelette sous forme de prime. De quoi agrémenter son séjour londonien. Pour le coup, elle va pouvoir s'offrir l'imperméable de ses rêves. Stéphane, sans surprise, réceptionne sa nouvelle clarinette Buffet Crampon. Il semblerait que sa carrière musicale se confirme. Après son entrée brillante au Conservatoire de Grasse, dans la classe de Michel Letiec, il a progressé rapidement. Désormais, il vise l'institution de Nice l'an prochain. Il y suivra les cours de musique de chambre avec Paul Tortelier, en plus de ceux de clarinette avec Claude Croussier. En attendant, il travaille avec acharnement. Faustine ne se lasse pas de l'entendre répéter toute la journée. Afin de marquer le coup pour leur dernière soirée en famille, papa invite tout le monde au théâtre. On donne une unique représentation de Pouic Pouic de Jean Giraud avec Jacqueline Maillan. Papa, qui l'adore, il est de la même génération, a souvent applaudi la comédienne au théâtre lorsqu'il vivait à Paris. Il ne cesse de vanter ses mérites au point que maman, jalouse, finit par le traiter de vieux gâteux. Faustine n'aime pas les vaudevilles plus que ça, mais puisqu'on l'invite, elle suit le mouvement. Elle ne regrette pas. Le spectacle en vaut la peine. Au théâtre, ce n'est pas du tout la même chose qu'à la télévision. Vraiment, elle a ri. Mais qu'est-ce qu'elle a ri? Surtout quand un quatuor d'humoristes dont elle a oublié le nom, les frères Jacques, les quatre barbus, a récité un texte sur les porte-manteaux. Enfin, surtout sur la disparition des porte-manteaux de tous les lieux publics. C'était tellement chouette qu'elle s'est offert le pamphlet. Ensuite, elle est allée demander à Madame Maillan de le lui dédicacer. Devant la table où celle-ci officiait, Faustine a exprimé avec enthousiasme sa reconnaissance pour la jolie soirée qu'elle venait de vivre grâce à elle. « Je voulais vous remercier et surtout vous dire que mes parents et moi vous apprécions beaucoup. » La Maillan l'a regardée, a levé les yeux au ciel, esquissé une grimace de mépris et tendu la main par-dessus son épaule pour attraper le texte suivant. Désormais, Faustine gardera ses compliments pour elle. Quel cabotin, ces acteurs! Le reste de la famille est parti. La valise de Faustine est bouclée. Tout est prêt dorénavant pour son séjour à Londres. L'autre soir, elle a retrouvé Maxime à Nice. Il voulait lui montrer la chambre de Signier et lui donner un double des clés. Ainsi, elle pourra venir seule, apporter des documents ou des affaires, continuer à préparer leur fuite. Puisqu'ils étaient là, ils ont essayé le petit lit. Pas franchement concluant. Le matelas bourré de noyaux était très inconfortable. Pour se faire pardonner, Maxime lui a offert une pizza dans le vieux Nice. En rentrant, ils sont passés par une cabine téléphonique. Faustine devait rappeler ses hôtes en Angleterre afin de confirmer le rendez-vous à Victoria Station. Ils avaient parcouru 2 kilomètres sur le chemin du retour quand elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié son sac à main dans la cabine. Catastrophe ! Vite, vite, on y retourne ! De sa vie, elle n'a couru aussi vite. Arrivée à la cabine, ouf, le sac est toujours là avec toutes ses affaires et son porte-monnaie intact dedans. Maxime n'en revient pas. Faustine doit bien être la seule fille au monde qui retrouve son sac 10 minutes plus tard dans une cabine publique en plein cœur du vieux Nice. Si ce n'est pas avoir le cul bordé Nouissa, il ne sait pas ce que c'est. Faustine, il lard, secoue ses mains devant elle à l'italienne. Ma, perché no? Quand elle quitte Maxime ce soir-là, elle sait qu'ils se retrouveront à Londres le 11 janvier prochain. Il a pu s'arranger. Elle n'aura qu'à quitter son job chez les Huntill 3 jours plus tôt, voilà tout. Avec une confiance absolue dans sa bonne étoile, ne vient-elle pas une fois de plus de prouver son existence? Faustine acquiesce. De Nice à Paris, de Paris à Calais, de Calais à Douvres et de Douvres à Londres, 3 trains et 2 bateaux. Voilà de quoi satisfaire la passion aventurière qui anime Faustine. De plus, son rendez-vous avec Monsieur Huntill n'étant prévu que pour le lendemain de son arrivée, il lui faudra passer une nuit Dieu sait où. Dans le rapide entre Cannes et Paris, elle dévore Le Matrimoine d'Hervé Bazin. Si elle apprécie l'histoire, elle n'est pas bien sûre d'apprécier la misogynie du bonhomme. En même temps, quand on connaît Folcoche, la mère de l'auteur, on peut comprendre. Faustine espère juste que Maxime ne la considérera pas comme une mère à gosse un jour. Paris, terminus, tout le monde descend. Faustine transite de la gare de Lyon à celle du Nord. Heureusement, lors de leur escapade à Paris en avril dernier, elle a appris à se débrouiller dans les méandres du métro. Elle se sent moins godiche pour trouver son chemin. Gare du Nord, sa place est réservée dans le Paris-Calais. Alors qu'elle approche du compartiment, un immense éclat de rire fuse. Voilà qui commence bien. 2 garçons et 1 fille occupent déjà les lieux. Faustine s'installe, offre des cigarettes à la ronde, fait connaissance. Ses compagnons de voyage vont passer le week-end à Londres. C'est la mode en ce moment d'aller faire son shopping chez la reine. Les garçons se demandent s'ils pourraient éventuellement poser des jalons pour un futur job. Mais la fille, une adorable métisse, n'y compte pas trop. De discussion en éclat de rire, une clope après l'autre, les 2 heures qui séparent Paris de Calais passent vite. Sur le bateau, on se retrouve à la même table et Faustine, puisqu'elle est en fond, arrose la compagnie. Rosé et whisky à volonté. À Londres, le groupe a réservé des chambres dans un bed and breakfast. Quand Faustine expose le problème de son hébergement, ils sont sûrs qu'il y aura une place pour elle. De fait, dans cette maison de maître accueillante, elle trouve le couvert sans difficulté. Mais attention, la Dirlo est stricte. Les filles dans leur chambre et les garçons dans la leur. Après s'être installés et rafraîchis, nos quatre lascars se promènent dans la ville. Faustine ignorant tout de Londres, elle se laisse guider. Regent Street, Piccadilly Circus, Liberty, Fortnum & Mason. Las, les restaurants ici sont hors de prix. Il leur faudra encore parcourir pas mal de kilomètres en s'éloignant du centre pour trouver enfin un bouge ou manger selon leurs moyens. Faustine se risque à commander une kidney pie. Berk! Immangeable, les autres ne sont pas mieux lotis. Les patates sont spongieuses, la viande filandreuse et les légumes bouillis comme on ne les aime pas. Encore affamé, il demande la carte des desserts pour s'entendre dire, nous traduisons pour vous, si vous n'avez pas fini votre assiette, vous n'avez pas droit au dessert. Outrée, Faustine, la plus adulte de tous, crie au scandale. Shocking! Appelez-moi le patron et que ça saute! La serveuse rit. Mais non, c'est de l'humour. Bien sûr que vous pouvez avoir un dessert. Sur ce, il commande une apple pie with custard sauce. Custard, c'est le seul mot que Faustine a compris de la carte. Et ça, elle sait que c'est délicieux. Sa mère lui en a assez parlé.